Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, il est 17h, nous sommes le vendredi 19 janvier 2018, c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, depuis 4-5 ans déjà, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, l'actualité du rétro, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors l'équipe depuis quelques temps est nombreuse, hein, on a du monde. Là ce jour-ci nous sommes 5 aux commandes. On commence par toi Anna, ça va? Ça va bien, merci. Bah oui, c'est très bien. Bonne année à tous. Bah oui, bonne année parce que c'est un peu oui. La rentrée en même temps d'un coup d'œil dans le rétro, mais oui. La rentrée 2018. Hein. Oui, et bah. ça fait quand même la quatrième rentrée qu'on fait en c'est fait ça. Ici. Ah mais en fait, jour pour jour, à peu de choses près, oui. Ça a été commencé en 2014, oui. La quatrième année, oui, d'un coup d'œil dans le rétro. Alors on est très heureux. Il y a aussi notre Christelle. Ça va Christelle? Ça va très bien. T'as passé merci. Tes belles fêtes? Oh, magnifique. C'est vrai? Super. Magnifique. Mmh. Mais là, avec le temps qu'il fait en ce moment, on est vite rappelé à l'ordre. Hein, voilà, ça sera voilà. Ça. Donc Christelle, tu vas nous parler de quoi, toi? Du pantalon. Ah, bah du pantalon. Bon, on en aura plus ici quelques instants. On donne pas plus d'indices. Laura, comment ça va? Bonjour, bonne année. Ah bah oui, bonne année aussi à toi. On peut encore se souhaiter les vœux. On peut se souhaiter les vœux. C'est vrai que tout, ma grand-mère disait, jusqu'au 31 janvier. Après, c'est fini, tu ne souhaites plus la bonne année. Est-ce que non. Quand tu reçois des vœux, genre le 29 janvier, tu peux te vexer en te disant, oui. En fin de compte, ils y ont pensé. Mais déjà là, moi, pour te dire, alors je suis un peu aigri de la vie, ça commence à me gonfler. Bonne année, tu sais, bonne année. J'arrive plus à être naturel, je suis désolé. Hein, Adrien? Ouais, c'est pour ça que je vais pas le souhaiter, moi. Tu ne souhaites pas, ça a raison. Non. Ça va, Adrien? Oui, bonne année. Eh ben, perdu. Bonne année. Les deux voix masculines. Alors, on souhaite bien sûr un prompt rétablissement à notre pauvre. Clément qui est un petit peu maladouille. Hein, il est malade depuis quelques temps. Depuis 6 mois, je crois en fait. Non, mais il a une. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je crois qu'il. Non, tu disais une intoxication alimentaire. Oh, c'est ça. Bah, petit bouchon. Il a mangé quelque chose qui est pas possible. Eh ben, écoute-nous, Clément. Écoute-nous pendant une heure. Tu verras. Tout ça va passer. Donc, le sommaire du jour, Anna. Et ça va être lequel? Alors aujourd'hui, bah, pour la première émission de l'année 2018, on va vous parler de plein de choses. On va vous parler de jukebox avec Laura. Kiki nous l'a dit tout à l'heure, on va parler aussi du pantalon. On va aller se balader un petit peu du côté de la réalité virtuelle avec Adrien aussi. C'est ça. Voilà. C'est moderne et rétro, c'est qu'est-ce yes. Il y a un lien. D'accord, y a un lien, on saura ouais. Tout à l'heure. On va parler aussi moustache, poils, barbe. Donc ça sera, voilà, ça sera mon côté. C'est la mode des poils. Ouais, il y a du poil. Et puis, on parlera aussi sortie, voilà, qui a à faire d'ici ces prochains jours, un petit peu dans le coin. Et bien sûr, le tout en musique, bien évidemment. Alors, on vous donne rendez-vous aussi sur notre page Facebook, Fadjet, coup d'œil dans le rétro. N'hésitez pas à nous faire un petit like, ça nous fait plaisir en ce début d'année. Voyez nos petites têtes, on ne sait plus comment faire une photo originale hein, dans le studio. Bientôt, on va sauter par la fenêtre et ça sera la dernière émission, mais on aura fait un superbe cliché, je pense. Ça sera le seul et l'unique. Alors, moi, j'ai une première chronique en 2018. Voilà, je n'ai jamais fait de chronique depuis 2014. Je ne suis que le passe-plat, je le fais les liens. C'est Anaïk qui crée souvent les chroniques. Et maintenant, grâce à vous, parce qu'au départ, on a commencé une demi-heure. Maintenant, on est à une heure. Et grâce à vous, eh bien, l'émission est complète. Donc, moi, je me suis dit, tiens, j'avais envie de créer un petit truc très rapide. On le fait souvent dans la matinale. C'est un peu ce qu'on appelle l'éphéméride. Et il s'est passé des événements, et notamment un 19 janvier. Alors, un 19 janvier, pour votre gouverne, les amis, eh bien, notamment le 19 janvier 1662. D'après mes souvenirs, personne n'était là. 1662, voilà. Ça fait rien, ouais. Personne n'était là et il y a eu la création des premiers transports à Paris sur les conseils de Blaise Pascal. Le roi Louis XIV donne l'autorisation de faire circuler des carrosses publiques dans Paris et ses faubourgs. Ça s'est passé un 19 janvier 1662. Donc ça a bien changé depuis. Maintenant, c'est un tram qui prend feu. Dans les montées, il n'y a plus de carrosses. Un autre 19 janvier 1915. Eh bien, on parle aussi suffisamment de décoration. Et là, on va parler un peu lumière. C'est la commercialisation en France d'un nouveau type d'éclairage en 1915. Et ça s'appelait, donc c'était un tube fluorescent, plus connu sous le nom de tube Néon, exactement. Ouais, ce type d'éclairage qui a été mis au point par un Français, Georges Claude. Mais ce dernier a déposé son brevet aux États-Unis et sa première utilisation commerciale remonte à 1912 aux États-Unis pour la fabrication de l'enseigne lumineuse d'un barbier, justement, parlera de poil tout à l'heure. Mais le néon a été présenté au public 2 ans plus tôt à Paris lors de l'exposition universelle. Dans un autre registre, on parle souvent de jeux rétro. Et il y en a un qui est né le 19 janvier 1955. Si je vous donne un petit indice, mes lettres comptent double. Adrien, tu sais pas ? De quoi ? Mes lettres comptent double. Lettres comptent double ? Avec un X ? Le Scrabble. Ah, la vache. Ah ouais, non, je devais partir là-dessus. Ah mais tu vas partir là-dessus. Le 19 janvier 1955 est commercialisé la version française en France du célèbre jeu de mots, le Scrabble. Et il a été créé aux États-Unis en 1949. Hein, donc c'est un jeu américain, mais commercialisé en France en 1955. Dans un autre registre, personne n'a eu le prix Goncourt ici ? Non. Le 19 janvier 1902 naît l'Académie Goncourt en application du testament d'Edmond de Goncourt. Et l'Académie a vocation de promouvoir des jeunes talents littéraires en remettant chaque automne un prix à un auteur d'avenir. Et son choix se fait à l'issue d'un déjeuner des académiciens dans le restaurant Drouan à Paris. Hein, ça se fait toujours ainsi. Dans un autre registre, on parle aussi voiture souvent. Hein. Eh bien, en 1978, et plus particulièrement le 19 janvier, sortie de l'usine, une petite voiture qu'on trouve sympa et qu'on appelle Cox. La coccinelle, c'est sortie de l'usine de Wolfsburg, c'est la dernière coccinelle, créée en 1938. Vous connaissez la marque de Volkswagen par qui elle a été créée? Eh bien, par Adolf Hitler, sous la volonté d'Adolf Hitler de montrer les capacités du Troisième Reich, de proposer notamment une voiture à petit prix, à prix abordable, et créer la marque Volkswagen, qui veut dire en allemand « voiture du peuple ». Et donc, qui conçoit et produit la coccinelle. On continue, un 19 janvier 1977, là c'est musical, c'est l'ouverture à Paris du musée des instruments de musique, avec des pièces venant du monde entier. Alors, il y a aussi des naissances, et une naissance en particulier, un 19 janvier 1943, c'est celui de Janis Joplin. On en avait parlé il y a quelques temps. Et on va écouter très rapidement un petit morceau de Janis. C'est Summertime, tout le monde le connaît ce titre. Il est 17h07, vous êtes sur Fadjet, sur le 94.2 ou peut-être Fadjet.net. Un coup d'œil dans le rétro, c'est de 17h à 18h et c'est la rentrée 2018 ce soir. Joplin, donc né le 19 janvier 1943 et décédé le 4 octobre 1970. Et ce titre, bien sûr, c'est Summertime. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors les amis, on va commencer notre émission quand même. Hein. On va commencer un petit peu avec François. On dit pas chronique de merde. Et on va vraiment commencer l'émission maintenant. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais Merci. Dire. Merci, je ne ferai plus cette chronique. Je crois que ça intéresse personne. Pourtant, je pensais apporter des petites informations du haut de mon 1m77. Oh, pardon, je vais m'endormir. Non, on va retrouver Laura qui... Tu vas nous parler de quoi alors, Laura? On l'a dit tout à l'heure, mais... Oui, aujourd'hui, je vais vous parler du jukebox. Bon, alors, c'était quand même un truc quand même phénoménal. Tout à fait. Incontournable. C'est un objet bien connu de la période rockabilly. Donc, Je vais commencer. Ah bah vas-y, le jukebox était un appareil public et payant qui jouait automatiquement de la musique enregistrée sur des disques. Il suffisait de sélectionner le morceau grâce à un système de touches après avoir inséré sa petite pièce de monnaie dans la machine. Pour la partie historique, il faut savoir que les boîtes à musique et pianos automatiques équipés de monnayeurs existaient déjà dans les fêtes foraines et les lieux publics avant l'invention du phonographe. Dans les fêtes foraines ? Ouais. Ah oui, d'accord. Et le premier phonographe public a été installé en 1889 à San Francisco. C'était l'ancêtre du jukebox, parce qu'il fournissait les enregistrements sonores mais gravés sur des cylindres et non pas des CD. À cette époque, ces appareils publics ne pouvaient lire qu'un seul morceau de musique d'une durée d'environ 2 minutes. Donc c'était très court. Ouais, c'est rapide, hein. Voilà, donc j'ai une petite question à vous poser. Ah bah vas-y, vas-y. À votre avis, de quelle nationalité était l'inventeur du jukebox ? Américaine ? J'ai envie de dire américain. Moi aussi. Bah, je sais pas, après, je trouve que les Français, ils ont inventé quand même pas mal de choses, en fin de compte, si on fouille un petit peu. Yes, elle a la bonne réponse, Anaïk. C'était une invention française, créée par un certain monsieur Bussoz. Ouais, en 1920, c'est le premier à avoir conçu un système automatique de lecture de disques musicaux. Sa machine s'appelait le Bussophone. C'était en fait le premier jukebox mécanique. Sauf que son histoire va s'arrêter en 1932 parce qu'il va revendre son brevet à un industriel américain nommé Wurlitzer. Mais il aurait dû le garder, il serait riche. Ouais, et alors ce dernier, monsieur Wurlitzer, il aura senti... Avec Blitzer, quoi. Oui, normalement. Merci de ton intervention, Adrien. Donc, ce monsieur américain, il aura senti le potentiel de cette invention parce que son nom deviendra très célèbre. Ce sera une marque de jukebox que beaucoup de collectionneurs connaissent. Et cette machine aura été très rentable. Et alors, savez-vous d'où vient le nom jukebox ? Jukebox. Des États-Unis. Box, ouais. Boîte. Et vous savez, il y a des néons dedans. J'ai apporté un non, mais attends, il me fait un lien, mais alors. Mais j'ai apporté une info. Tout est lié. Est-ce qu'il y avait des poils aussi dedans ? Une barbe. Donc, ce nom est apparu aux États-Unis dans les années 1930. Enfin, disons dans les années 30. C'est un dérivé du mot d'argot juke joints qui servait à désigner un bar où l'on pouvait danser. Les groupes de musique qui s'y produisaient étaient aussi appelés les juke bands. Donc le premier jukebox commercialisé en 1946 a été édité en 60 000 exemplaires. Il aura rencontré un véritable succès avec sa forme arrondie et ses couleurs attrayantes que l'on connaît. Parmi les différents modèles qui ont existé, c'est celui dont l'image a été la plus reproduite. Il ne pouvait d'ailleurs lire que seulement 24 disques sur une seule face. Et en parlant de disque, c'est le disque vinyle 78 tours qui a été utilisé dans les jukebox jusqu'en 1950. Et ensuite, c'était le tour des 45 tours. Dans les années 70, le jukebox est sur le déclin. Il y a moins de demandes, donc la production cesse progressivement. Et avec l'essor du CD dans les années 80, le disque vinyle disparaît et le jukebox entre dans l'ère du numérique. Même si c'est pas pareil, moi je trouve. Hein, au niveau du son. Le vinyle et le CD. Ça revient, le vinyle. Oui, le vinyle en plus a des qualités, des très bonnes qualités de son. Ouais. Et les nouveaux jukebox en fait permettent de recevoir les morceaux mais par internet. Donc cela permet de pouvoir écouter beaucoup plus de morceaux. Mais on peut quand même dire que l'époque du jukebox est bel et bien révolue parce qu'il existe maintenant tellement de moyens d'écouter la musique. Avec l'invention du baladeur, l'écoute de la musique en fait s'est beaucoup individualisée. Et alors pour la partie anecdote, dans la ville d'Anvers, une initiative très originale a été lancée pour encourager les habitants et les touristes à ne plus jeter leurs déchets sur les trottoirs. Ce sont des poubelles en forme de jukebox qui ont été installées dans différents lieux. Donc dès qu'on jette quelque chose à la poubelle, on peut entendre un court extrait de chanson comme Tina Turner ou Britney Spears. Non. Je trouve ça trop cool. Donc vous rendez compte ? C'est rock, hein, ça, c'est cool. T'imagines ? Chérie, descends les poubelles. Tu jettes ta bouteille vide. Tu jettes ta bouteille vide à la poubelle et t'entends Baby One More Time. Ça, c'est génial. Et tu twerks. En chaussons. En chaussons avec un vieux survêt dégueu. Et le jukebox aura permis à l'époque aussi à des artistes de tester leurs chansons. En effet, il était possible de consulter le nombre de fois où avait été joué le morceau. Donc cela permettait aussi à certains artistes qui ne pouvaient pas avoir la chance d'être diffusés à la radio de pouvoir avoir leur musique écoutée par un public. C'est pas bête. Et de nombreux jukebox sont devenus des pièces de collection très chères et rares. On peut retrouver un modèle de 1942 qui s'évalue à peu près à 125 000 euros. Et dans les années 60, il y avait une autre machine très novatrice qui s'appelait le Scopitone, dont on a un peu moins entendu parler que le jukebox. Pas du tout ce que c'est, moi, le Scopitone. Et c'était le même principe que le jukebox, sauf qu'il y avait un écran ajouté dessus. Avec la particularité, du coup, d'associer l'image avec le son. pendant une durée de chanson, donc environ 3 minutes. Et en fait, c'était l'ancêtre du clip vidéo. Donc elle était t'avais des clips hyper avant-gardiste, cette machine. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Mmh. Donc c'était ça dans les années 60. Et alors aujourd'hui, pour écouter la musique, il suffit d'un petit smartphone de quelques centimètres, tandis qu'à l'époque, un jukebox prenait jusqu'à 1m80 de haut et 1m50 de large. Donc alors, c'était un meuble très imposant. Tu peux en avoir aujourd'hui, mais ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte très cher. À côté, là, rue Saint-Nicolas, il y a une boutique qui vend des jukebox et des baby-foot. Faut avoir un petit peu d'argent quand même là, pour en acheter un bon. Ouais, et il y avait aussi des modèles qu'ils avaient développés qui pouvaient s'accrocher au mur. Ils appelaient ça des wallbox. Ouais. C'était un peu plus pratique que les gros meubles imposants. Et pour terminer, à Lyon, il y a trois ingénieurs qui ont créé un concept de jukebox participatif, destiné à des établissements tels que des bars ou des restaurants, permettant en fait aux clients de choisir sur une tablette des morceaux qu'ils ont envie d'écouter. Donc pendant qu'ils attendent leur consommation, ils peuvent ajouter à la playlist du bar des morceaux. En fait, on en revient à la base même du concept du jukebox, qui était l'envie de partager la musique en communauté. Et oui, le partage. Voilà. C'est très intéressant, Laura. Ouais, une belle histoire. Ouais, merci. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. On sait que ça revient depuis un certain nombre d'années et que les gens s'en dotent un petit peu à la maison, mais on ne connaissait pas vraiment toute l'histoire en particulier. Alors toi, tu as un titre que tu voulais nous faire écouter quand même. Tu as choisi. Oui, tout à fait. Tu as choisi. Je rappelle juste au passage, tiens, petite aparté, que si vous avez, parce que cette fois-là, aujourd'hui, la rentrée 2018, on n'a pas d'invité en particulier, on devait en avoir un, mais au final, ça s'est pas fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter, peut-être via les réseaux sociaux, sans problème, la page Facebook, donc faites jeter un coup d'œil dans le rétro. Si vous êtes acteur du monde local, on va appeler ça comme ça, rétro, vintage, des événements un petit peu en tout genre, eh bien, contactez-nous et on vous invitera. En interview directement dans notre émission et ça se passe une fois par mois, c'est le troisième vendredi de chaque mois, donc n'hésitez pas. Un petit coucou très rapide à peut-être ceux qui nous écoutent, alors mettez-moi un message, mais je pars du principe que sur notre page, si on like, c'est qu'on écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il y a Rémi, un petit coucou à Philippe, à Patou et à moi-même parce que j'ai liké. Donc c'est comme ça. Bon, justement, alors Laura, c'est pas vraiment toi qui as choisi le titre, ou c'est toi? Si, c'est moi, c'est Brigitte Bardot, Harley Davidson. Eh ben, vous énervez pas, madame. Hein, on ne monte pas sur ces grands chevaux, parce que je vous avais raconté une anecdote que les transports en commun à l'époque. Un 19 janvier. Allez, c'est Brigitte Bardot. Bien sûr, Harley Davidson, les amis. On se retrouve juste après ça, en ensemble jusque 18h. Un coup d'œil dans le rétro sur Fadiette. Besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Bardot, Harley, Davidson. Un coup Soleil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Mystérieux parce que j'aime bien, je trouve que ça va bien Adrien, tu sais ce petit côté un peu rétro, voilà comme ça, ça lui va plutôt bien. Petit aparté très rapide les amis, donc c'est un coup d'œil dans le rétro, j'aime bien faire autant le temps à la minute ceux qui viennent nous rejoindre sur la page, donc on fait un petit coucou à Steve, et Steve c'était Prohibition qu'on a reçu oui, dans l'émission l'année passée je crois, hein, si je ne m'abuse. Oui en 2017, je ne sais plus quel mois, mais oui il était venu. Adrien va nous parler réalité virtuelle. Tout à fait. Connaissez-vous déjà la réalité virtuelle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Mais pas testé. Mais moi, j'avoue que c'est un peu flou. J'ai eu l'occasion d'utiliser le casque. Comment il s'appelle? Il a un nom ici. Oculus. Oculus. Okay. Comment vous Oculus. Dites Oculus. Oculus. Ouais. Oh d'accord. Okay. Oculus. Oculus. Qui peut être une insulte aussi. C'est ça, exactement. Oculus. Oh. Eh ben ouais, ça pourrait être une insulte, mais en fait non, c'est une sorte de casque en fait, comme des grosses lunettes que tu enfiles sur le museau. Sur le museau, voilà. Et qui te permettent de te transporter en fait dans un monde virtuel. Voilà, et c'est notamment énormément exploité maintenant dans les jeux vidéo. Et avant de devenir une petite révolution justement dans ce secteur-là, eh ben, est-ce que vous saviez que c'était, il y avait des ancêtres à tout ça? Eh ben non, j'apprends aujourd'hui qu'il y a des ancêtres à tout finalement. Eh oui. Il y a des gens avant nous. C'est des tests, c'est des bêta. Ils ont fait beaucoup de tests et ça a commencé justement en compagnie de Morton Elling. Oula, allemand? Ah non, je crois que c'est en anglais. Et ben en fait, cet homme, il fut le créateur du premier cinéma immersif en 1962. Il a inventé le Sensorama. D'accord. Donc si je vous dis Sensorama, les sens. Ça fait penser au sens, effectivement. Ou à une machine à café. Mais une après, machine à café, ouais, avec. Pas par c'est pas faux. Et donc en fait, c'est un petit cinéma individuel. En gros, il suffisait de s'asseoir devant une espèce de borne un peu d'arcade, de glisser sa tête dedans et on avait l'impression d'être transporté dans un film. Donc il y avait cinq expériences qui étaient proposées, c'était cinq courts-métrages. Donc il y avait une petite balade à vélo, un parcours à bicyclette, du buggy, un vol en hélicoptère, on pouvait même danser aussi. Et en gros, en plus d'être une expérience visuelle, ça simulait la vibration du véhicule quand vous étiez sur le siège en passager ou en conducteur. Voilà. Ça, il y avait aussi le vent avec des souffleries sur le visage, et vous aviez aussi les odeurs. Comme au Futuroscope, quoi. Ah, donc en fait, on ressentait voilà. J'allais dire comme au Futuroscope. Alors, trouve-t-on encore ce genre de machine, Adrien? Ouais, alors, du coup, voilà, on en trouve encore. Lui, ça a été le précurseur réellement, mais on en trouve, par exemple, en fête foraine. Donc il y a les cinémas 5D là, 4D, 6D, oui, 8D là. Oui c'est bien ça. Personnellement je les ai pas testés. J'aurais pourtant l'impression que c'est un petit peu une version low cost du délire mais. Ouais je pense aussi. Ouais. Mais non par contre il y avait des trucs qui étaient vraiment cool. C'était je sais pas si vous l'aviez fait, c'était à Disney. C'était Chérie, j'ai rattrapé public. C'était génial, ça s'est arrêté. Ah non alors j'ai jamais fait ce truc. J'avais 94 et c'était un gros cinéma. Vous étiez assis et en fait il y avait en plus d'avoir des lunettes en 3D. Il y avait vraiment toute la salle qui bougeait. Vous preniez des courants d'air. S'il y avait des souris qui passaient en dessous de vous, vous entiez les souris. Un chien qui t'éternuait dessus à la fin et qui prenait une giclée dans le visage. Moi, j'ai fait au Futuroscope, hein, donc ce que tu disais, la Futuroscope. Il y a Ratatouille aussi maintenant qui est sorti. Ah bon? Ouais. À Disney aussi qui est vraiment, je le conseille. C'est vraiment un truc à tester. C'est hyper immersif, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le sensor a amené, en fait, du cinéma maintenant, moderne, voilà. Mais on fait aussi un arrêt en 68 avec Ivan Sutherland. Là, lui, il a un nom d'acteur. Il inventa l'Ultimate Display, qui est aussi appelé l'épée de Damoclès. Ah bon? Alors, pourquoi? Alors, lui, il a inventé le premier casque de réalité virtuelle réellement, sauf que le truc, il était tellement lourd qu'il était obligé d'être soutenu avec un bras métallique au-dessus de toi et tu pouvais plus bouger, du coup, donc tu n'avais pas de liberté de mouvement. Oh, d'accord. Et ça a été appelé, du coup, l'épée de Damoclès, à cause de son là. Voilà. Ouais, d'accord, cette Irlande, faut repasser un peu quand même. Ouais. On retourne dans les années 80, du coup, on continue un peu à tester, en fait, la réalité virtuelle avec notamment le Data Glove. Data Glove. C'est en les fait mecs, ils s'énervaient quand même sur les noms avant. Ouais, avant, complètement. Il y avait une grosse réflexion sur le nom du truc. Et là, c'était un gant qui était assimilé en fait à un casque. Donc là, tu pouvais carrément en fait avoir une liberté de tes mouvements au niveau des mains. Mmh. Et en plus, t'avais la vision. Voilà. D'accord. Et tout ça a été exploité en fait par l'armée, avec la NASA. Mmh. En fait, ils ont sorti plusieurs programmes pour tester un petit peu ça, dont notamment un qui est un peu plus connu. Je vais essayer de le refaire encore à l'anglaise. Oui. Le Virtual Environment Display. Donc c'est en 80, il y a Sony qui sort le Watchman. Donc rien à voir avec le Walkman, oui, mais on n'est pas ça. Loin. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait croire voilà. Ça. Donc c'est les télés de poche. Et je vais encore écorcher son nom, mais Michael McGreevy, qui bosse à la NASA. En fait, il est tellement impressionné par la qualité des écrans. C'est des petites télés de poche. Ouais, il n'y a c'est pas ça. Eu dans Retour vers le futur. Non, il n'y avait pas cette petite télé de poche là. Ah je sais bah pas peut-être. Si ouais, bah, ça serait pertinent en même temps. Aux années 80, c'est un peu l'époque. Mais... Ouais. Et il décide d'en acheter deux. Il les prend, il les désosse. Il garde juste les écrans. Il les met dans un casque de moto. Et en fait, il crée un sorte de simulateur parce que la NASA est vachement intéressée par le truc. Et il dépose un brevet. Et puis en fait, c'est développé justement pour les missions spatiales. D'accord. Voilà. On a encore d'autres casques, dont un aussi, c'est le casque VCA2S dans les années 80, qui est un cockpit aussi pour former les pilotes de l'US Air Force. Et en fait, il est aussi appelé Dark Vador parce qu'il ressemble au visage, ouais. Au masque, ouais, tout à fait. Ensuite. On est dans le secteur, parce qu'on n'a pas parlé des jeux vidéo. Voilà, on passe dans le secteur du jeu vidéo. Alors là, bon, on est vraiment sur du test. C'est pas sur la révolution de maintenant, dans les années 90. C'est vraiment du test. Il y a eu plusieurs masques qui sont sortis. Il y en a eu 4. Mais je vais passer sur les 3 premiers pour parler du Virtual Boy. Oui. Nintendo. Qui est une sorte. Enfin, c'est une sorte de périscope, un peu de lunettes, comme vous retrouvez un petit peu quand vous allez à l'Empire State Building où vous pouvez observer. Observer au loin ce qui voilà. Se passe. D'accord. Et en fait, c'était un échec commercial cuisant. C'est Nintendo qui a lancé ça? Ouais, Nintendo qui a lancé ça. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Il faut savoir que, au niveau des couleurs, parce qu'il promettait des vrais graphismes 3D, et en fait, il y avait juste des couleurs en noir et en rouge. Waouh! Wow. Okay. Ouais, donc du coup, ouais. Il faut savoir que c'était à l'époque de la PlayStation en plus, hein, donc, où il y avait déjà des bons graphismes. Donc, c'était pas du tout sexy, et en plus, il y avait un message dessus sur la notice qui disait: attention, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 7 ans. Sinon, il brûle. Ouais, ouais, un peu ça, ouais. La 3D stéréoscope. Ah, j'arrive pas à le dire. Stéréoscopique. Alors, stéréoscopique. Ouais, c'est ça voilà. Pourrait causer des dommages graves et permanents à leur vision. Oh, mon dieu. Oh là, ça donne pas envie, quoi. Voilà, ils sont un peu tirés une balle dans le pied, quoi. Ouais. Et il faudra attendre, du coup, le 28 mars 2016 pour voir de nouveau réapparaître la réalité virtuelle sur le devant de la scène avec l'Oculus. Donc c'est le premier casque de VR moderne et il y en a eu plusieurs après qui ont suivi. Alors ça, oui, il y en a plusieurs. Mais du coup on se pose une question par rapport à ça. Voilà, combien ça coûte? Ouais. Effectivement, c'est une technologie qui est quand même pas mal onéreuse, faut le dire. L'Oculus, par exemple. C'est bizarre, hein. Ce nom me fait rire, en fait. L'Oculus. Une insulte. L'Oculus, ouais, on dit ça, en fait. Ou une insulte brésilienne. Oculus. Oculus. L'Oculus. Non, on va dire l'Oculus, plutôt. Voilà, c'est ça. L'Oculus, ça coûte 450€, quand même. Ouais, quand même. Et il y a le HTC aussi, HTC Vive. Il y a vraiment des gens qui les achètent pour chez eux, ça? Ouais, oui, complètement, ouais. Parce qu'on fait des salles virtuelles aujourd'hui, les escape games commencent à lancer des trucs. C'est lié à ça, justement. Parce que ça commence à se démocratiser au niveau du foyer. Ouais. Et maintenant, il y a des expériences qui sont comme des escape games, justement. Donc le Clubhouse, ça coûte 450. Voilà. Il y a même plus cher. Après, vous trouvez moins cher avec Samsung, ouais, qui fait des expériences pour les smartphones. D'accord. Avec le Samsung Gear, ça coûte 150€. Tu mets ton téléphone sur tes yeux. Non, c'est pas ça. Ouais. En fait, tu mets le téléphone dans le boîtier. Oui, c'est ça que j'ai vu. Donc même si aujourd'hui, on constate que la technologie, elle a plutôt bien avancé, elle s'est améliorée. Il faut savoir quand même que dans les années 90, déjà, ce qu'on a en termes de qualité aujourd'hui, on l'avait déjà dans des secteurs privés, comme des laboratoires, des entreprises, qui avaient déjà ce même niveau de graphisme dans les années 90, en fait. Mais ça, c'est logique, parce que à chaque fois qu'une technologie est lancée, il faut des années avant que ça soit ouvert au grand public, en fait. Bah justement, elle permet quoi, cette technologie? On peut faire autre chose que jouer? Bien sûr. Ouais, en fait, on parle d'expérience. Quand je parle d'expérience, et bah, par exemple, vous pouvez nager avec des requins. Vous pouvez aller sur la lune. Génial. Vous pouvez. On y croit vraiment, oui. On y croit vraiment. On y croit vraiment, d'accord. Ça dépend du névrographisme. Ouais, oui, il faut savoir aussi que la réalité virtuelle, ça peut donner le motion sickness. Là, c'est une sorte de mal de mer. Moi, je l'ai vécu, ça. C'est-à-dire que tu vomis, c'est à cause de l'oreille interne, et ça arrive à certaines personnes. Et alors, moi, c'était un jeu où il y avait un petit bonhomme qui sautait au-dessus des falaises. t'avais l'impression d'être ce petit bonhomme là et j'ai eu la même sensation que le vertige. Mais tu l'as quand tu dans un salon. Tu l'avais quand tu portais le casque. Oui, pas et après, ça donne la nausée en fait, vraiment. Ouais, un peu, et après quand tu l'enlèves aussi, quand tu l'enlèves aussi. Non, après ça passe. C'est ça parce que du coup t'as pas une période, t'as pas un moment d'adaptation où tu dois essayer. Et du coup t'es obligé de l'enlever pour cause de vomissement aigu. Dans ton casque. T'es dans ton salon et au niveau mouvement quand tu bouges comme le petit bonhomme. Bah tu me dis le petit bonhomme. C'est drôle. C'est très drôle à regarder les gens qui jouent parce que tu vois ils perdent un peu la notion de l'espace. Et pour ma part, moi j'ai pas pu tester longtemps parce que justement j'ai ressenti et le stress aussi. Dans certains jeux, il y a un stress. Il y a des jeux d'horreur et c'est un peu c'est bien adapté à la réalité virtuelle. Il y a pas que des jeux d'horreur aussi. Non. Il y a aussi l'industrie du pour adultes. Oui. Qui s'est intéressé aussi. Ah d'accord. La réalité virtuelle, c'est pour dire que du coup c'est. Voilà, il y a plusieurs. Je vais aller regarder ça. plusieurs segments. Merci Adrien. Et bah de rien. Et d'ailleurs, donc Adrien qui est notre spécialiste rétro gaming entre guillemets, enfin, t'intéresses beaucoup. Il y a notamment le vide grenier du geek. Alors je sais pas si vous avez déjà participé. Je crois que c'est le 11 février. Ouais, voilà. Ouais, c'est bientôt. Ouais. Le vide grenier du geek. Donc si ça vous intéresse, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et bien dans l'agenda. Donc merci Adrien. Mais de rien. On poursuit alors avec un titre. C'est sous ton impulsion à toi, t'as fait un choix de musique. C'est que je pense. Oui. C'est toi qui l'as décidé. Hein. Ce hokum bokum. Ah oui, quand même, hein, c'est pareil. Chaque fois, tous tes titres, on a l'impression que c'est une toux. Ouais. Ou un éternuement. Donc c'est Oh, mais tout le monde connaît ce titre, vous allez voir tout de suite. Brent Wood. Bien évidemment que c'est très connu. Brenton Wood, Hokum Bokum Song. Bien sûr qu'on connaît ça les amis, c'est un coup d'œil dans le rétro. Allez, il est 17h30, on est ensemble jusque 18h, prenez le temps, c'est le week-end. Titre de 1967 de Brenton Wood. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Alors, les amis, si vous nous rejoignez, en tout cas, bienvenue à vous. Un petit coucou, certainement. Alors, les gens qui continuent à liker, Maud, on fait coucou à Maud. Bonjour, Maud. on sent qu'il y a une effervescence autour de Maud. Il y a aussi Kiki nous rejoint, pas Kiki puisqu'elle est avec nous dans les studios, oui. Mais voilà, il y a Jack qui nous écoute, hein, peut-être, je pense, en tout cas il a liké. Salut Jack, qui était avec nous dans l'émission, qui a vogué sur d'autres sphères. Donc voilà, tout le monde est là. En tout cas, n'hésitez pas. Je le tiens encore, je le redis, j'insiste avec ça. Laissez-nous des petits messages si vous avez envie aussi d'écouter les musiques. On peut les passer d'une fois à l'autre sans souci. Alors, on poursuit cette émission avec les Birds. Avec quoi? Bah, c'était les Birds. Les Birds. Et moustache. Avec les poils. Le bigote en espagnol. C'est pas mal. Alors avec toi Anaïk, et justement la tendance moustache qui revient depuis un certain nombre d'années, et des barbes aussi. On en voit partout. Du poil partout. Il y a plus du poilu que du l'imberbe. Ouais. Ça m'énerverdra l'imberbe. Non mais que ça soit en moustache, en barbe, d'ailleurs voilà, on est bien fourni ici dans le studio aujourd'hui. Il n'y a que des filles. Hein, Non mais je veux dire, on a quand même les deux styles quoi. Oui. On a quand même la barbe et la moustache. Moi parce que je peux pas faire de barbe en fait. Sinon ça pousse dans tous les sens. Trou, c'est un champ de mine en fait. C'est ce qu'on appellerait dégueulasse. Voilà. Donc évidemment, voilà, vous l'avez compris, on l'a pensé un peu ringarde, un peu oubliée, mais la moustache et la barbe reviennent à vitesse grand V donc sur les visages de nos hommes. Ouais. Tout comme aussi la barbe, mais vraiment la grosse barbe bûcheron. Donc voilà. Pas entretenue. Si quand même parce que voilà, ouais. Faut quand même avoir un look. D'accord. Donc en fait ça voilà, il y a une période un peu de rejet notamment après la guerre, parce qu'en fait les hommes ont tellement porté en fait pendant la guerre qu'ils en pouvaient plus, donc il y a eu voilà, après c'était que des visages lisses. Les hommes ne portaient plus la moustache. Ça reviendra je pense, hein, le visage lisse. Oh non, ça nous rajeunit. Ça fait bébé quand même. Ça rajeunit, c'est ça, ça rajeunit. Hommes. Ouais. Donc en fait c'est certes seulement ces dernières années donc que la moustache donc est revenue un petit peu en force, mm-hmm. Et notamment avec la tendance hipster, donc très inspirée donc, des années 60-70. La moustache, la barbe, donc elle est plus du tout ringarde, et je pense que du coup, ça affirme un peu le côté masculin de l'homme. Donc ça leur donne un petit look un petit peu rétro. Alors il faut savoir qu'il y a différentes formes de moustache. Hein, ouais. Je pense que voilà, vous pouvez quand même vous éclater dans la création de la moustache et aussi dans la création de la barbe. Alors moi je me suis raté, hein. Là, je vous montre pas la photo de moi, mais c'est vrai que je me suis un peu raté sur la moustache. Et donc. Et tu fais quoi alors pour sacher? C'est un problème. C'est que soit tu peux mettre du crayon noir. Alors voilà, non, si. Ça peut arriver parce que si tu fais un trou dans ta moustache, qu'est-ce que tu fais? Tu la coupes. Alors, ce qui peut arriver, c'est que tu commences à couper du côté gauche, côté droit, côté gauche, et tu finis en Hitler. Et donc, il faut pas faire ça. Donc, mais c'est vrai, ça, c'est un gros problème. Alors, comment on peut soigner sa moustache? Comment on peut l'entretenir? Alors, déjà, il faut complètement oublier la tondeuse, les mecs. Ah bon? On ne coupe pas sa moustache et sa barbe à la tondeuse. On prend un ciseau. Ouais, bah oui, non, mais je suis désolée. Voilà, faut prendre un ciseau. Ouais. Voilà. Donc, l'entretien, vous allez me dire quoi? Côté longueur. Donc, on coupe un petit peu au ciseau lorsque les poils commencent un petit peu à dépasser sur les lèvres. Ça, tu parles pour la moustache, là? Là, je parle pour la moustache. Ouais. Elles sont mortes de rire. D'accord. Mais arrêtez de rigoler. Pourquoi vous rigolez? Je comprends pas, en fait. Allez, vas-y. Juste un truc très important. Il faut souvent laisser, en fait, un petit espace au niveau de la lèvre supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Faut pas que le poil, en fait, touche la lèvre ici. D'accord. C'est bon. Adrien, il me regarde. Je le regarde aussi parce qu'en coup, je suis en train d'analyser. Il y a des charges à respecter. Faut pas, parce qu'après, ça part sur la lèvre comme ça. Ça fait un peu années 80. Tu manges tes poils. Voilà. Donc, sur les côtés, faut prendre, en fait, comme repère la commissure des lèvres. Voilà. D'accord. Faut pas non plus que ça dépasse. Au niveau entretien, vous pouvez faire quand même des petits gommages une fois de temps en temps. Oui. Hein, ça évite un petit peu les poils qui poussent en dessous. Et pour rendre le poil un peu moins dru, un peu moins piquant, vous pouvez utiliser en fait des produits à base de protéines de soie. Oui. Donc vous en avez un petit peu partout sur Internet. Il faut savoir qu'à Nancy, voilà, il y a plein de boutiques qui se sont créées, notamment le 11 Apart Coiffeur, que vous connaissez. Il y a aussi le Sons Barber Shop. Vous pouvez trouver plein d'accessoires pour entretenir votre barbe. Il y a aussi des sites comme Big Moustache ou Monsieur Barbier où vous pouvez en fait recevoir des kits directement à la maison. Donc des kits pour les barbus, pour les moustachus et un peu voilà, tous les amateurs un petit peu du book quoi. Donc, D'accord. Ça voilà. Se fait plus trop le book. Hein. Non. Le bouc. Ah oui, alors avant, c'est vrai qu'il y avait une époque où il y avait juste le petit. C'est la moustache d'Esther qui est descendue. C'est ça. Il y avait le collier. C'est pas plus mal. Le petit collier tout fin. C'est pas plus mal aussi, ça. C'est vrai que c'est la mode là. On est content. C'est vrai, oui. Alors moi, c'est, par contre, c'est vrai que la moustache, c'est pas facile non plus. Bon, je pense que la barbe aussi, mais c'est pas facile parce que t'as plus de chances de te rater. C'est sur un petit périmètre quand même. Hein. Donc, c'est pas évident. Et on disait souvent de pas trop laisser. Alors, moi, j'ai tort ou j'ai raison? Enfin, ça dépend de la moustache que je vais tailler, mais on disait qu'il fallait quand même laisser en dessous un peu du nez. Oui, il faut laisser de l'espace entre le nez. Ah, il faut laisser de l'espace. Un petit peu d'espace entre les narines et le début de la moustache. Et ensuite, encore un petit espace avant la lèvre supérieure. Bon, tu remettras les recettes. Les mais je vous mettrai en fait les différents croquis, les différentes formes de moustache qui existent sur internet, parce que en fait je crois qu'il y en a quand même un petit paquet en fonction de la forme, oui. Tu vois. Mmh. Il peut y avoir des petits arrondis sur les côtés, tu sais, des fois les pépés, ils ont des petits. Ouais. Ah, ça c'est chouette. Il y a des concours de barbe. Oui, oui. Des concours de moustache. Je me posais la question l'autre jour, tu sais quoi, si j'allais, alors je sais pas, on a le droit de changer dans la vie, mais garder ma moustache toute ma vie. Ouais. Ouais, ça te va tellement bien. Mais je ne sais pas en fait. Après, si elle devient blanche. Bah, c'est chouette. C'est vrai. Ah ouais. J'espère que je n'aurai pas les cheveux blancs et la moustache noire. La vieille décoloration. Des fois, c'est pas la même couleur. Il y en a qui ont la barbe rousse. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, il y en a qui ont ça. Et le truc que je trouve bizarre, c'est que tu disais que ça, pour les hommes, c'est tendance parce que ça fait plus viril. Mmh. Oui. En même temps, les hommes passent plus de temps. J'ai l'impression dans leur salle dans de bain. Dans leur salle de bain, oui, c'est ça. C'est quand même contradictoire. À s'entretenir, c'est ça. Intéressant. Mais du coup, est-ce qu'on peut. Enfin, pourquoi il y aurait une dualité entre la virilité et le fait de prendre soin de soi, tu vois? Telle est la question. Grand débat aujourd'hui. Est-ce que pour être viril, tu dois puer? C'est un peu la question. Voilà. C'est un peu la question. Donc, en tout cas, tiens, envoyez-nous des photos de vous si vous avez une barbe ou une moustache sur les réseaux sociaux. Ça nous fera plaisir. On fera un concours. On fera le concours de la plus belle moustache et de la plus belle barbe. Anaïk, il y a une suggestion musicale. Alors, oui, donc moi, j'avais envie de vous faire découvrir une artiste qui vient du passé aussi. C'était Ruth Brown, hein, qui était plus connue, enfin surnommée sous le nom de Miss Rhythm and Blues. Ouais. Ouais, avec la chanson I Don't Know. C'est ça, Miss Ruth Brown, au début des années 50, chanteuse de Rhythm and Blues, la plus populaire de la scène new-yorkaise. Allez les amis, un coup d'œil dans le rétro, encore une petite vingtaine de minutes, on ensemble jusque 8h. 8h, 18h, ça sera mieux. Ça va être beaucoup. I don't know. De Ruth Brown sur Fadjet 94.2. Ruth Brown qui avait eu notamment Ray Charles comme pianiste à ses débuts. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94.2 en modulation de fréquence. En modulation de fréquence, vous aurez compris hein, que nous sommes quand même dans les temps modernes. On a quand même une platine, une table ici. Mais on aime bien d'ailleurs, on pourrait repasser aussi, si vous en avez, les amis, aussi, c'est possible de passer des vinyles hein, ici, il faut le savoir. Hein, on a encore une platine vinyle. Alors, il est 17h44, ça avance très très vite, hein, le temps passe vite avec vous. On espère que vous êtes à l'écoute sur Fadjet et que vous allez passer peut-être un bon week-end, certainement. On parlera d'agenda tout à l'heure. Mais pour le moment, on a Kiki. Kiki dit Christelle, ou Christelle dit Kiki, qui, elle, a envie de nous parler pantalon. Ouais, du pantalon. Du pantalon. Déjà, pour commencer, ouais. Je voulais vous dire que moi, avec le temps qu'il fait en ce moment, à Nancy... T'as envie d'être en pantalon, c'est ça ? J'ai envie d'être en pantalon. Je sais pas si c'est le cas pour toutes les filles, mais pour moi, c'est plus simple de mettre un pantalon hop, quand il fait moche ou quand il fait froid. Parce que sinon, il faut des collants... Voilà, c'est compliqué. Ouais, moi aussi, ça m'embête. Donc, vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui du pantalon. Le nom pantalon vient de l'italien pantalone. Pantalone. C'était le nom d'un personnage bouffon de la Commedia dell'arte qui était vêtu d'un costume dont les chaussures tombaient droites sur ses pieds. Concernant les hommes, le pantalon arrive dans l'histoire avec la domestication du cheval, parce que c'était indispensable pour le monter. Le pantalon moderne sera adopté vers 1850 sous le surnom tuyau de poil. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais qui tuyau de poil. Oui. Kiki, après, c'était en slip ou quoi? C'est vrai, ou en peau de bête. Oui, mais Kiki, quand et comment est apparu le pantalon dans la garde-robe féminine? Ah oui, je vous ai vu venir, hein. Vous alliez me poser cette question. Et je vais vous répondre. Le pantalon féminin a traversé des tempêtes avant d'arriver naturellement dans nos armoires. Voilà, il y a un siècle exactement, cette année, puisqu'on est en 2018, s'achevait la Première Guerre mondiale. C'est en effet avec elle que la plupart des femmes se libérèrent vraiment de toute préoccupation vestimentaire. La guerre les força à porter des vêtements de travail et des uniformes. Et oui, puisque pendant la guerre, les hommes étaient au front et les femmes faisaient une grande partie de leur travail. Elles étaient à la ferme, dans le bâtiment, dans les usines d'armement en tant que contrôleuses, conductrices de bus ou de train. Elles firent même leur service militaire en première ligne et pas seulement en tant qu'infirmières. Bref, les femmes se sont habituées à porter l'uniforme. Du coup, une fois la guerre terminée, la mode devint plus simple et plus fonctionnelle. La morale avait changé, tout comme les vêtements. On voulait danser, faire la fête et être à l'aise. Donc la robe se raccourcit, par exemple, et on la voulait droite, de haut en bas, en forme de tube. C'était beaucoup plus pratique pour danser, et c'est ainsi qu'on va voir apparaître la mode du charleston qui arrivait au début des années 20. Et alors le pantalon dans tout ça ? Oui, pardon, je m'égare, le pantalon. Alors il faut préciser que dès le début du XXe siècle, il y avait déjà une alternative au pantalon pour les femmes. Au départ, il s'agissait du mot « bloomer ». Un bloomer ? Qu'est-ce que c'est un bloomer ? Alors un bloomer, ça vient du nom de sa créatrice Amelia Bloomer. C'est une sorte de culotte large et bouffante en coton resserrée aux chevilles. C'était pas très chouette, hein ? Ouais. Il fut introduit dès 1851 et on le portait sous une jupe pour faire du vélo. Ah oui, d'accord, je vois en plus, oui, d'accord. Ouais. On l'appelait aussi le pantalon à la turque de par sa forme, en fait. Mm-hmm. Dès 1900, de plus en plus de femmes se risquèrent en tailleur-pantalon sur les grands boulevards à Paris, malgré de multiples railleries et remarques déplacées. Comme je l'ai dit déjà au début de la chronique, il fallut donc attendre la Première Guerre mondiale pour que le pantalon féminin devienne une évidence afin que les femmes puissent exercer leurs nouvelles tâches dans les usines, du coup. Rien à voir avec la mode au départ. Pourtant, beaucoup découvrirent qu'elles pouvaient avoir l'air chic même en pantalon. Du coup, la combinaison, qui rappelait l'uniforme des aviateurs tant admiré, fut plébiscitée. Mais à l'époque, cette combinaison était admise uniquement pour travailler. C'était pas pour être vue dans la vie de tous les jours. Ce pantalon-combinaison put s'imposer avec succès après la guerre, parce qu'à ce moment-là, la société avait assez mûri pour accepter que le smoking devienne la tenue de soirée des femmes. Donc c'était seulement une tenue de soirée au départ. Pour illustrer ce que je viens de vous raconter, j'ai deux petites anecdotes au sujet du pantalon qui va vous montrer que ça a été assez difficile pour les femmes de porter un pantalon au quotidien. Yves Saint Laurent causa scandale en 1966, donc c'est pas si tard que ça, parce qu'il avait réédité le smoking féminin. Eh bien, ses clientes se virent refuser l'entrée dans les meilleurs hôtels et les restaurants à Paris, sauf si elles enlevaient leurs pantalons et gardaient uniquement la veste de smoking. Non. Si. Enfin, t'avais le cul à l'air, quoi. Voilà, donc on préférait les voir en micro-jupe plutôt qu'en pantalon. en 1966. Ouais. Deuxième anecdote encore plus lointaine, en 1931, le maire de Paris avait ordonné à Marlène Dietrich de quitter la ville sur le champ parce qu'elle avait osé se montrer dans la rue en costume d'homme. Mmh. Eh ben dis donc, tu quittes la ville. Oui. Pourtant, à cette époque, le pantalon était déjà une tenue décontractée, en mode coupe ample, et c'était une tenue qui faisait fureur et on le portait déjà en pyjama. Et ce sera quand même Yves Saint Laurent et Chanel qui contribueront à démocratiser le port du pantalon pour les femmes dans les années 60. Même si les clientes de Chanel n'étaient pas conquises par sa proposition, elle-même continua à en créer et surtout à les porter pour elle. Et c'est en effet qu'à la fin du XXe siècle que la société accepta véritablement le port du pantalon par les femmes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on l'accepte ? Bah aujourd'hui, évidemment, il est porté par tout le monde, avec en première ligne le jean qu'on voit partout. Je pense qu'on porte quasiment tous un jean. Là. Vous portez plus de pantalons que de jupes ou de robes. Voilà, plus que des pantalons, c'est vraiment les jeans. Ouais, les jeans. Les jeans. Et le pantalon, en englobant le jean, c'est l'un des vêtements préférés des Français d'après un sondage de l'année dernière, 2017, qui montre que la moyenne est d'avoir 10 pantalons dans son dressing. Ah oui. Oui, on est dans ça. Le même sondage permet de voir que la coupe privilégiée est la coupe droite. Voilà. Alors on lui souhaite une bonne année 2018, ainsi qu'à tous nos auditeurs, et vive le falzar, le futal, le fut et le froc. Et le froc, bravo, qui va d'accord. Et le coulouse. Toujours un futal et un oculus. Et la vie se porte mieux. Tu as une petite suggestion aussi musicale. Oui, alors je propose l'opportuniste, parce qu'il retourne sa veste, mais à la fin, vous verrez, il y a une petite surprise. À retourner son pantalon. Eh bien, c'est Jacques Dutronc, l'opportuniste sur Fadjet. On est ensemble encore pendant une petite dizaine de minutes. C'est un coup d'œil dans le rétro. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. L'opportuniste sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de notre émission et donc c'est le moment un peu de l'agenda. Alors ce soir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, je vous propose d'aller au Boucle Art à Nancy. Donc pour la quatrième fois, il y a une grande vente de vinyle d'Alice Cooper, donc qui collectionne. Et elle nous propose en fait une vente unique et exceptionnelle, donc autour de la musique, avec des tas de vinyles 33 tours, autres objets dérivés de la musique. Donc l'entrée est libre. Ça se passe vendredi, samedi et aussi dimanche de 14h à 21h ou de 14h à 19h. Donc allez faire un petit tour. Il a un grand choix de création, notamment qui fait à base de vinyle. C'est hyper chouette. Ouais. Bon, à petit prix. C'est chouette. Ce soir toujours, donc, apéro jazz, donc au bar Le 15 du Grand Hôtel de la Reine, donc la Stan, de 19h à 23h. Donc pour une bonne occasion de vous relaxer autour d'un petit apéro entre amis, avec une ambiance jazz décontractée. Vous pourrez y découvrir donc des groupes de musiciens variés, pianistes, guitaristes, crooners, un petit peu de tout. Hein. Ce soir toujours donc au bar Le Royal rue Mont-Désert à Nancy de 20h à 1h. Il y aura une célébration en fait de la musique jamaïcaine des années 60 et 70. Donc ça peut être sympa, c'est une autre sorte de musique à découvrir. Demain à la plantation de 14h à 19h, donc on retrouve qui? Bah on retrouve Fripp Show, dis donc. Ouais. Combien t'es gagné l'édition? Là c'est une édition spéciale parce qu'on fait tout à 5 ou 10 balles où je remballe. Donc c'est très bonnes affaires à venir faire demain. Demain, d'accord. Et donc c'est à la plantation. De 14h à 19h. Et l'entrée est libre de 14h à 19h. Et puis d'ailleurs toutes les informations sur Fripp Show, votre page Facebook. Dimanche 11 février, alors c'est un petit peu plus loin, on en a parlé tout à l'heure, c'est la salle des fêtes de Gentilly de 10h à 17h. C'est le 5e vide-grenier du Geek de Nancy, donc pour faire de chouettes trouvailles et de belles affaires. Vendre, troquer, vendre, acheter et troquer hein, console et jeux vidéo. Tu le fréquentes, toi, ce genre de vide-grenier, Adrien? J'avais fait l'édition précédente. BD, jeux de société, jouets, figurines. L'entrée est libre et gratuite. Et l'inscription pour les exposants, c'est uniquement par mail sur vgdg.nancy@gmail.com. On devait recevoir aujourd'hui The Free Freaks. Alors, pour en dire un petit peu sur eux, parce qu'ils ont beaucoup de choses, c'est des BDistes. Alors, ils ont une galerie d'art, notamment à Neuf Maisons. Ils sont aussi des rockers. C'est une ambiance très rock'n'roll, hein. Chez eux, ça s'appelle Mise en scène, voilà, que je ne fasse pas d'erreur. Et donc il y a un événement, et qui se passe, donc c'est la méchante comédie Free Freaks numéro 3, Circus à Neuf Maisons, ça se passe le vendredi 26 janvier 2018 bien sûr, à la galerie Mise en scène. On essaiera de les recevoir dans une prochaine émission, parce qu'il faudra en dire un petit peu sur eux. Ils ont énormément de choses autour du monde rock'n'roll, un petit peu. Il y en a qui participent à de la BD, à de l'art, de la peinture, de la chanson. Enfin, il y a énormément de choses, c'est un regroupement d'artistes quelque part. Et donc ils sont pas d'ici, mais ils adorent la Lorraine. Et donc lui en l'occurrence c'est Fred. Il a développé ce concept un peu galerie d'art à Neuf Maisons. Alors faut tenter le coup à Neuf Maisons. Hein. Et du coup ça fonctionne très très bien. Leurs événements sont hyper fréquentés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, notre prochain rendez-vous? Alors normalement on doit se retrouver aux alentours du vendredi 16 février, ouais. Messieurs dames. Voilà. Donc on reste un peu sur le troisième vendredi de chaque mois. Donc dans un mois tout pile, on essaiera d'avoir un invité. Je le disais, je le rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook et puis nous demander de venir. Alors faut que ça concerne un petit peu le monde rétro, c'est un peu ça, mais n'hésitez pas en tout cas, et on vous calera une interview. Vous serez le fil rouge d'une prochaine émission. Et ben ça se termine, hein, malheureusement. Voilà, c'était la première de l'année. On était très heureux de partager ça avec vous. On vous souhaite un bon week-end, les amis. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? J'en sais quelques-uns quand même. Qu'est-ce qu'il va bosser? Ça va bosser, ça va bosser. Et toi, Kiki? Elle veut pas le dire. C'est pas. Oh là, rendez-vous c'est galant. C'est secret, dis donc. Elle a un rendez-vous galant, celle-ci. Je vais fêter l'anniversaire d'une copine. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. On te croit pas. Allez, c'est un coup d'œil dans le rétro. On se retrouve la prochaine date, le prochain mois. Tu l'as dit, rappelle-le. Le 16 février. Les programmes continuent en tout cas sur Fadjet. C'est Caps. sport d'ici une petite minute à 18h. Le Hot 40 à 20h et Electrochoc 21h Party Time 22h. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Salut.